Nouveau fléau de cette société, les viscères tout tournant dans les cités. Les jeunes ne prennent plus la peine de braquer. À plusieurs dans un coin, ils font de violer. À plusieurs, ils jouent les gros durs. Oui, les gros durs. Mais pour moi, ce ne sont que des ordures. Oh, des ordures. Cette société, il ramène une fille dans les caves. Devant son troupeau, il se la partage. Même si la fille n'est pas consentante, ils en ont rien à foutre de ce qu'elle pense. À plusieurs, ils jouent les gros durs. Oui, les gros durs. Mais pour moi, ce ne sont que des ordures. Oh, des ordures. Pour ces jeunes-là, les filles sont des salopes. En mini-jupe, ce n'est rien de propre. Et leur frangine, il ne faut pas que tu les touches. Je suis désolé, ces jeunes-là me dégoûtent. Pour ces jeunes-là, les filles sont des salopes. En mini-jupe, ce n'est rien de propre. Et leur frangine, il ne faut pas que tu les touches. Je suis désolé, ces jeunes-là me dégoûtent. Ces jeunes-là me dégoûtent. Ces jeunes-là me dégoûtent.